toutes et à tous, merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Guémozo pour l'émission La Parole est à vous. Alors, en cette veille de Noël, on va parler un petit peu des Gilets jaunes, parce qu'il ne faut quand même pas les oublier, eux. Hein. Ils ont passé le dernier Noël sur les ronds-points. Ce coup-ci, ils n'ont pas trop le choix, ils ne peuvent plus le passer sur les ronds-points. Hein, ils pourront peut-être un peu quand même faire le réveillon en famille. Mais en tout cas, c'est une lutte quand même de plus d'un an maintenant qu'il faut retracer ici, puis parler d'eux, parce qu'ils ont bien mérité. Ils ont bien mérité de la France profonde, on pourrait dire. Voilà, salut Michel. Oui. Voilà. C'est pas la première fois que tu viens à nos émissions sur RGM. Hein. On voudrait savoir maintenant où vous en êtes exactement. Hein. On voit beaucoup de gilets jaunes dans les manifestations, mais maintenant dans des manifestations surtout qui sont interprofessionnelles, intergénérationnelles, j'allais dire, hein, puisque le problème des retraites concerne un peu tout le monde, hein, même si les jeunes n'en ont pas forcément l'idée aujourd'hui, il n'empêche qu'ils seront forcément concernés en premier lieu par ce problème des retraites aujourd'hui. Mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Aujourd'hui, au point de vue social, il y a beaucoup de tentatives du gouvernement de recul, hein, non seulement sur retraite, il y a eu le chômage, il y a la sécurité sociale même, hein, avec le problème des hôpitaux aujourd'hui, du financement des hôpitaux en particulier. Voilà, le menu, malheureusement, est long et on a une pensée quand même pour tous ces gens qui sont encore en grève. Hein, je ne sais pas s'ils seront encore ces jours-ci, mais en tout cas, il y aura une trêve de Noël. Mais en tout cas, il n'empêche que le climat social de ce Noël est particulièrement perturbé, pourrait-on dire. Voilà, alors Michel, retracez un petit peu un an de gilets jaunes, hein, parce que toi, tu es là depuis la première heure. Oui. Et puis, tu as participé à beaucoup, beaucoup de manifestations. Oui, on fait ça tous les week-ends ou presque. Hein. On est rarement le week-end à la maison, hein, ces manifestations, aussi bien dans les Vosges que dans le Grand Est, parce qu'aujourd'hui, on s'est allié avec le Grand Est. Une dizaine de départements qui se sont mis d'accord pour s'unir, pour tenter de se faire entendre. On est bien obligé d'en arriver là. Ça fait un an qu'on est dans la rue à expliquer à nos dirigeants que leurs méthodes et surtout les décisions qu'ils prennent ne vont pas dans l'intérêt commun. Mais ils ont du mal à le comprendre. On va reprendre un exemple tout simple. Les hôpitaux. Quand tu vois qu'on vous explique que l'hôpital de Miremont coûte trop cher, qu'il faut le fermer, qu'il faut tout transférer à Épinal. Et pour soi-disant améliorer le système, on nomme 7-8 directeurs différents pour un même hôpital. Alors, on ne peut pas me dire que ça n'est pas aberrant. Moi, ce que je vous dis là peut être confirmé. Il y a une association qui s'appelle ADEMAT H à Remiremont, qui défend l'hôpital de Remiremont. Qui est notre partenaire pour une émission, pour un voilà, magazine santé, d'ailleurs. Tu pourras leur demander, ils te confirmeront qu'il y a bien 8 directeurs pour l'hôpital de Remiremont, comme si un seul ne suffisait pas. Ça fait quand même 8 gros salaires à sortir. Et après, on nous dit, les hôpitaux sont endettés, il faut qu'on arrête les bêtises. Mais tout est comme ça. Tu prends les retraites, ils veulent passer à une retraite par points. Jusque-là, je ne suis pas trop... Allez, on peut voir. Mais franchement, par capitalisation, parce que c'est rien d'autre qui les intéresse. Mais le jour où la bourse se casse la figure, vous faites quoi? Par capitalisation, vous n'avez qu'un seul choix. C'est où la bourse gagne de l'argent, vous gagnez de l'argent, ou elle se casse la figure, comme en 2008 et en 2012, et puis vous perdez tout. D'abord, jusqu'à présent, c'est vrai que Macron a promis de garder la retraite par répartition. Hein, mais c'est vrai que une retraite par points peut être assez plus facilement transformée en retraite avec capitalisation. Mais c'est exactement ce qu'il cherche à faire. Ou du moins, étant donné une probabilité de recul par rapport au montant des retraites, que des gens prennent des retraites par capitalisation à côté, quoi. Et puis tout doucement, ça grignoterait la retraite, voilà. Les retraites. Hein, c'est dans le domaine du plausible, disons. Pour eux, c'est le but, c'est tout simple. Quand ils vous expliquent que c'est l'État qui garantit la valeur du point, mais d'une législature à l'autre. Ce n'est pas tout à fait ça. Hein. Quand même, ils ont dit que ce seraient les partenaires sociaux et que la valeur du point ne pourrait pas être en dessous de l'évolution des salaires. Mais bon, Ils pleureront aussi. Mais on peut leur faire confiance. C'est-à-dire que moi, si on me demande si je leur fais confiance, c'est non. C'est non, hein. On sait très bien ce qui va se passer. L'État fera comme elle le fait depuis le début, parce que sous Macron, les partenaires sociaux, je suis obligé. Il leur a un peu marché sur le nez jusqu'à maintenant. Ah ben, il doit pas, à part le MEDEF, voilà. À part le MEDEF, je crois que les autres organisations syndicales n'ont pas été souvent entendues. Hein. On est bien et d'accord. Et puis même une organisation réformiste comme la CFDT, aujourd'hui, elle commence à en avoir assez, quoi. Bah bien assez sûr. Des déclarations de Macron et du Premier ministre. Bah, de toute façon, c'est des gens à qui vous ne pouvez pas faire confiance. Déjà parce qu'en 2 ans et demi de mandature, presque 3 ans, mais que nous ont-ils prouvé ? Rien. Si, qu'ils étaient du côté des riches, peut-être. Voilà, en dehors de ça, ils nous expliquent que les caisses de l'État sont vides, mais revient sur l'ISF, revient sur la flat tax, l'exit tax, revient aussi sur la fraude fiscale et l'optimisation fiscale, fait quelque chose. C'est près de 200 milliards d'euros qui s'en vont, qui partent en fumée, qui quittent les caisses de l'État, et on ne sait pas où ça va. En tout cas, on sait si où ça va. Je veux dire que, et après, on vient nous dire à nous... Et puis, on est en train de ruiner... De ruiner le budget de la sécurité sociale en ce moment par rapport au fait qu'on ne veut plus compenser les exonérations, certaines exonérations de charges par rapport à ça. Mais bien sûr, mais pourquoi on veut appauvrir la sécurité sociale et la mettre en faillite ? La raison en est simple. On sait très bien que derrière, il y a les grandes banques et les assureurs. Eux vont se faire une joie et un devoir de faire la main basse. Et on aura un système à l'américaine. Voilà, c'est-à-dire, t'as de l'argent, t'es soigné, t'as pas d'argent, t'es pas soigné. Alors, ils ont beau dire aujourd'hui, la République en marche, ces gens-là auront beau nous dire que c'est pas vrai. On sait très bien que c'est là où ils veulent en venir. On le sait. Ils nous donnent tellement de petits détails. Il y a tellement de petits détails qui te prouvent que, de toute façon, le but de l'opération de tout ça, c'est de ramener tout au système américain. Eh bien, on n'en veut pas. On a un système français qui fonctionne très bien. Les retraites, on ne peut pas me dire qu'on ne peut pas les sauver. On peut largement les sauver. C'est Jospin qui avait mis en 1999 en place une caisse qui permettait, à partir de 2025, de sauver les retraites. Déjà, on aurait remboursé la dette sociale. Et ensuite, cette caisse-là va faire aux alentours de 24 milliards d'euros par an de bénéfices. Ces bénéfices-là, eux, ils prévoient que la retraite va nous coûter entre 7 et 12 milliards d'euros. Eh bien, on prend dans les 24. Je crois que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les retraites, ça représente 14% du PIB. Du PIB ? Hein, oui. Le PIB, on peut toujours le critiquer en tant que tel, hein, puisqu'on met dans un PIB ce que l'on construit, ce qu'on détruit, tout forcément. C'est surtout financier. Mais ce qui est évident, c'est que il y a une politique qui voudrait qu'on ne peut pas dépasser, on ne doit pas dépasser ces fameuses 14% du PIB. Mais étant donné qu'il y aura de plus en plus de retraités, ça veut dire aussi qu'il faut diminuer le montant des retraites, c'est clair. Ben, il n'y a pas le choix. De ce côté-là. T'as un gâteau, t'as 6 personnes, les parts sont belles. T'as 24 personnes sur le même gâteau, c'est plus les mêmes parts. Mmh. Ben c'est ce qui va se passer. Tu vas dire aux Français, ben voilà, moi je vais te donner un chiffre au hasard, parce que je ne connais pas exactement. Je sais que le PIB, c'est un peu plus de 2300 milliards d'euros. Tu vas prendre 14% de cela. Aujourd'hui, t'as 3 millions de retraités. Demain, t'en as 10. Ah ben, ça il ne faut pas qu'ils nous prennent pour des imbéciles. On n'a peut-être pas leur culture du verbe et de la phrase. Alors, mais ils ont oublié une chose, on a appris à compter. Alors j'ai lu quelques énormités à ce propos. Hein. La première, c'est que c'est un député de La République En Marche, je crois que... Oui, c'était La République En Marche. Je dis souvent En Marche Arrière. Oui. Parce que pour une bonne raison, c'est qu'au point de vue social, on recule beaucoup, beaucoup plus sur le gouvernement de Macron qu'on a pu le faire depuis 50 ans, voire plus, en sachant aussi que y a des comparaisons qui sont faites par ce député de République En Marche Arrière qui font éclater de rire, hein, comme de dire, par exemple, la moyenne des retraites est supérieure à la moyenne des revenus des Français actifs. Mais bien sûr que si on met effectivement des gens qui sont au RSA, hein, à 400, 400, quelques, moins de 500 euros, puisqu'il y a, il y a automatiquement intégration d'une partie de l'allocation logement. Évidemment, étant donné que les pauvres sont de plus en plus nombreux, hein, faut le savoir aussi, on est passé de 14,2 de la population à 14,7 de la population, c'est-à-dire 400 000. Avec, sous Macron, 400 000 pauvres de plus. Donc, forcément, si on prend le revenu des actifs ou des actifs potentiels, avec le nombre de pauvres, le nombre de RSA, le nombre de personnes qui n'ont même plus de revenus du tout, ça existe, hein, et, hein, qui sont rayés du chômage, etc. Et évidemment, la moyenne est inférieure à celle des retraites. Des retraités, en sachant bien sûr qu'il y a des retraités qui sont véritablement... Il y a de pauvres retraités. En dessous du minimum vital. Moi, je connais des retraités qui gagnent moins de 800 euros par mois. Bien sûr. Alors, je suis désolé. Comment tu veux vivre avec 800 euros par mois ? Faut pas qu'ils le prennent pour des imbéciles. Il te dit, on va tout mettre à plat, on va faire une retraite linéaire. Tout le monde calcule de la même manière. Un euro gagné, il rapportera... Oui, mais... C'est... mais quid des carrières incomplètes, quid des femmes, etc. Hein, puisque même si on compense, comme c'est le cas actuellement, les périodes de chômage, de maladie, pour élever les enfants, parce qu'il y a quand même aujourd'hui un an et demi de prise en compte du congé parental. Oui. Demain, quand ils disent ça fera 5% par enfant. Mais je crois que le compte n'y est pas. Hein, parce non, le compte n'y est aujourd'hui, pas. Aujourd'hui, les femmes avaient deux ans par enfant. Mais tout ça, c'est une énormité. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte. Alors, quand on raconte ce genre de bêtises, qu'un député puisse raconter ce genre de conneries, permets-moi l'expression. Oui, non, mais c'est la vérité. c'est incroyable, quoi. Mais ça peut toucher des esprits. Mais bien sûr. Ceux qui ne savent pas. Le pire dans tout ça, c'est que la plupart, que ce soit des députés, voire même des ministres, la plupart, on t'explique que depuis 18 mois, ils sont en négociation avec ce soi-disant dossier. Mais franchement, ils ont négocié avec qui ? Ils ont négocié quoi ? Ils n'ont rien négocié. De Levoix a fait sa petite réflexion, il a présenté son plan, advienne ce que pourra. C'est purement technocratique. De toute façon, c'est comme tout. C'est que de la technocratie. Ce sont des gens incompétents qui viennent là, qui décident après. C'est comme pour le 90. Je ne dirais pas incompétents, mais du moins, qui sont bien du côté d'un néolibéralisme. Ouais. Qui est devenu aujourd'hui autoritaire, on le voit avec les gilets jaunes. Hein. Aujourd'hui, oui. on envoie la police partout pour la moindre manifestation. D'ailleurs, on avait été gazé. On a bien été gazé l'autre jour, alors qu'on était bien dans la manifestation, sur le parcours de la manifestation, et qu'il y avait parmi la foule, bien sûr, des enfants et puis des vieillards. Mais ils l'ont toujours fait, c'est-à-dire que depuis le début, moi, l'année dernière, en décembre, manifestation des Gilets jaunes, ils allaient gazer au milieu du marché de Noël à Épinal. Franchement, il y avait des parents avec leurs enfants. Tu gazes pas. Il y a quelques casseurs, je ne dis pas le contraire, mais tu les attrapes, puisque je suis certain que ceux-là, tu les connais. Eux les connaissent. Mais là, on a vu enfin, ce n'était pas des casseurs, hein, c'était simplement quelques personnes, on ne sait pas d'où elles venaient. Hein, paraît-il, il y a un copain qui m'a dit qu'il les avait vus monter dans une voiture, ils étaient cagoulés. Ils n'appartenaient pas du tout à la manifestation. On n'a pas cherché beaucoup à les arrêter. On a gazé tout le monde. Voilà, c'est la politique Macron. Voilà, on est bien d'accord. Aujourd'hui, on ne cherche pas à comprendre. Il faut détruire le mouvement parce qu'il est contestataire, parce qu'il n'est pas d'accord avec nous. Alors, on accuse le mouvement de tous les maux. On va reprendre un exemple tout simple. Le Fouquet's. Qui a mis le feu au Fouquet's ? Ah, bah oui. Eh bien, moi, je peux vous le dire. C'est la police avec leur lacrymogène. Ils ont balancé leur lacrymogène, c'est tombé sur les tentures du Fouquet's. Et on peut me dire que je suis un menteur, mais moi, je suis désolé, j'ai les films qui le prouvent, puisqu'on était à Paris. Ah oui. C'est quand on sert d'une arme que l'on maîtrise pas... C'était la phase 1 des manifestations, là ? Oui, c'était au mois de mars-avril. Mais je peux te garantir que moi, j'y étais à Paris. Et j'étais pas le seul, parce qu'on était énormément de Vosgiens à être descendus là-bas. C'était un appel national des Gilets jaunes. Mais c'est bien eux comme ils veulent. On a les preuves de cela. On a les films, puisque tu te doutes bien qu'aujourd'hui, grâce aux iPhones et tous les téléphones portables, les gens, dès qu'il se passe quelque chose, qu'est-ce qu'ils font ? Ils filment. Et après, on accuse les Gilets jaunes. Mais moi, je suis désolé. Il faut arrêter de se voiler la face. On est dans un... Aujourd'hui, on est gouverné. Le gouvernement est répressif. Un régime vraiment autoritaire. On a un régime autoritaire. La liberté en France, c'est terminé. On voit bien les dernières lois faites. Et ils commencent déjà allègrement à parler du droit de grève avec nos amis parisiens qui pleurent. Les parisiens, moi, j'ai qu'une chose à leur dire. Vous avez été capable de décider pour les 80 km/h dans nos campagnes alors que vous n'avez pas besoin de votre voiture parce que vous avez des services de transport qui sont... à toute heure et à toute minute. Bien nous, sûr. Dans nos régions, nous ne les avons pas. Nous sommes obligés de prendre la voiture. Alors, on est obligé de supporter vos décisions sans... Parce que là, pareil, il n'y a eu aucune négociation. Alors, puisque nous sommes obligés de supporter vos décisions, vous supporterez les décisions des gens qui travaillent. Aujourd'hui, on est dans l'union des luttes totales. Moi, je suis d'accord avec tous les syndicalistes qui sont prêts à faire... à déclencher un mouvement pour que tout cela cesse. Déjà parce qu'ils ont une organisation qui est bien meilleure que la nôtre, ils sont structurés, ils ont une habitude de combat que nous n'avons pas. Et ce n'est pas notre rôle d'aller nous insérer dans ces combats-là, parce que ce sont des combats internes aux professionnels. Mais par contre, il faut bien qu'ils comprennent une chose, l'année dernière, on avait 10 pas de syndicats. Pourquoi ? Pourquoi on ne voulait plus entendre parler des syndicats ? Parce que le 5 décembre l'année dernière, ils nous avaient dit, grève générale, les routiers vont se mettre en grève, on bloque tout. Le vendredi soir, ils vont voir Macron à l'Élysée, ils vont bouffer à la soupe, ils sortent de la discussion avec Macron, plus de grève. Alors que le problème n'était pas réglé. Oui, c'est vrai. Le problème n'était pas réglé, puisque de toute façon, rien n'a été réglé en un an. Tu prends un exemple tout bête, quand il dit qu'il va faire une retraite linéaire, il a commencé à dire aux policiers, ne vous inquiétez pas, on ne touchera pas à votre régime. Mais demain, un autre organisme puissant va venir le trouver en disant, on n'est pas d'accord, il leur dira aussi, je ne toucherai pas à votre régime. Après, ce sera... À ceci, à cela, on avait 42 régimes de retraite différents, on aura encore 42 régimes de retraite différents. Donc, ces excuses pour expliquer aux Français que les employés de la SNCF sont des nantis, alors qu'est-ce qu'on peut dire des députés, des sénateurs et des présidents? Oui, bah, franchement, vrai. Je suis désolé. Tu prends un président, une mandature, une retraite à taux plein. Alors, on me dira que je suis un petit peu partial par rapport à la situation actuelle, mais c'est vrai aussi que quand on prend du son dans une manifestation et puis qu'on se fait garder, on n'est pas très, très favorable, on ne risque pas d'être très favorable à Macron et à sa police. Hein, je crois que là, non, mais s'il avait ouvert des tables, c'est pas son grand débat qui n'a servi à rien. Il aurait simplement ouvert, dès le mois de décembre l'année dernière, des négociations en exigeant de tous les députés de chaque secteur de redescendre dans leur secteur et d'ouvrir des négociations, au minimum, ou ouvrir, donner la parole. Je pense qu'on en serait sorti depuis très longtemps. Je pense que les députés macroniens, hein, puisqu'il faut vous dire qu'ils sont là que pour Macron, pour la plupart, hein, c'est rare qu'il ait des sautes d'humeur, enfin des mouvements d'humeur par rapport à la politique actuelle. Hein, c'est des personnes qui connaissent très mal le milieu ouvrier, le milieu des gens qui sont démunis, des gens qui sont précaires, etc. Hein. Je crois qu'ils sont à 100 lieues de comprendre ça. Hein. De comprendre ça, ils ont été élus pour tenir une place, c'est tout, et puis approuver Macron à 100%, c'est tout. De toute façon, ils ont la main... Dans ces dérives antisociales. Voilà, ils ont la main sur la couture du pantalon. Hein. Macron dit, vous votez ça, tout le monde se tait, on vote ça. Ah oui, exactement. Il y a une époque où il y avait encore une opposition. Aujourd'hui, comme tu ne peux plus faire confiance aux hommes politiques, tu ne peux pas leur faire confiance, je suis désolé de le dire, quand tu vois le nombre qui ont été poursuivis et le nombre de nos dirigeants qui ont eu affaire avec la justice et qui sont encore en place, non mais c'est une horreur, quoi. Il n'y a pas un parti meilleur que l'autre, hein, je te rassure. Et puis surtout, ce qu'on peut leur reprocher, bien sûr, parce que c'est quand même une minorité qui vend la soupe, hein, j'allais dire, c'est que c'est les liens qu'il y a entre le pouvoir actuel et puis le pouvoir économique, quoi. Hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment gouverné par un pouvoir financier, économique et financier surtout, hein, qui est basé sur les finances. Même la presse. Même la presse, bien sûr, les médias sont tenus par six grands groupes. Ben alors, hein, tous les médias sont tenus par six grands groupes. Et puis ceux-là, puis les journalistes sont plus ou moins indépendants. Et puis même les journalistes, ben, ils ne connaissent pas souvent la réalité. On voyait par exemple, on a pu lire aussi des journalistes, par exemple, de Libération qui disaient, de toute façon, c'est vrai qu'on a eu tort, on n'a pas assez donné la parole, on n'a pas senti venir cette vague de fond qui était celle des Gilets jaunes. Hein, c'est vrai qu'ils vivent dans leur monde, ils ont des informations toutes faites, hein, mises en boîte par des agences, et puis on n'en sort pas beaucoup, quoi. Ben non, hein, et puis comme aujourd'hui, l'information n'est pas vérifiée... Il y a quand même, je ne dirais pas une certaine censure qui est adoptée, mais la censure se fait beaucoup plus par rapport au financement des médias aussi. Ben, forcément. Hein, nous-mêmes, on voit que notre financement, d'année en année, il stagne. Hein, et puis qu'on a de plus en plus de difficultés. Parce que les charges augmentent, le prix de l'énergie augmente constamment. Bien sûr. Pour que tu puisses travailler aujourd'hui, il faut quand même bien que tu l'utilises, cette énergie. Donc, il faut bien que tu la paies. On bloque tes revenus, puis on te dit derrière, mais je ne comprends pas, ils ne sont jamais contents. Quand ils t'expliquent que les salaires augmentent plus vite que l'inflation, ils se moquent du monde. Tu vas prendre les infirmières, tu vas prendre les enseignants. Ça fait combien d'années que la valeur de leur point est bloquée ? Combien d'années ? Ah oui, bien sûr. Plus de 10 ans. Dans les fonctions publiques, oui. Dans les fonctions publiques. Plus de 10 ans qu'on bloque leur point d'indice. Alors, on t'explique qu'il y a 10 ans, tu gagnais 2500 euros. 10 ans après, tu les gagnes encore. Et on t'explique. C'est tout juste si on ne t'explique pas que tu es encore un homme riche. Les députés, ils feraient mieux de se taire, déjà. Ceux-là, ils feraient mieux déjà de commencer à réfléchir. Ils ont retiré 5 euros sur les allocations logement de nos étudiants. On est bien d'accord. Oui, et ils ont augmenté leur enveloppe de frais d'hébergement. Elle est passée de 900 euros à 1200 euros. Elle a été augmentée de 33% cette année, là, il y a quelques semaines. Après, ces gens-là viennent nous donner des leçons. Alors, avant de donner des leçons au peuple, à celui qui meurt de faim, commence déjà à te regarder toi, commence à regarder comment tu vis. Moi, je pense que 900 euros leur aurait suffi. Avec les 300 euros qu'on leur a donnés en plus, on aurait pu permettre à 34 200 étudiants de garder leurs 5 euros d'allocation logement. Comme si tous nos étudiants étaient des gens riches, étaient des enfants de personnes relativement riches. Mais non, nos étudiants, ce sont nos enfants, ce sont les enfants de tous les Français, quels qu'ils soient. Donc, on n'avait pas à leur prendre ces 5 euros. Après, on s'étonne, on se demande pourquoi on est dans la rue. Mais c'est plein de petites choses. C'est jamais des choses trop flagrantes, mais c'est plein de petites choses mis bout à bout. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, on surtout, est plus... Surtout, bien sûr, on n'a pas... Quand on fait un budget moyen, enfin, un indice des prix qui est moyen, c'est vrai que ça ne tient pas compte quand même des augmentations qui atteignent des secteurs qui sont vitaux pour les personnes. Hein. On voit le domaine de l'automobile, des réparations automobiles, on voit le prix, bien sûr, de l'énergie, etc., qui a terriblement augmenté. Et ça, c'est une part de plus en plus importante dans le budget des personnes qui sont dans la moyenne basse, ou alors qui soient précaires ou qui n'ont que le RSA pour vivre. Hein. Ça devient vraiment tragique. Tu prends quelqu'un qui travaille aujourd'hui, même s'il a un salaire de 2000-2500 euros net par mois. Ce qui est rare dans les Hauts-de-Vosges. Hein. Oui, dans les Hauts-de-Vosges, c'est très rare. Ça paraît des nantis par rapport à la moyenne des salaires qui doit être à peu près dans les Vosges, qui n'est pas trop éloigné du SMIG. Voilà, 1500, 1600. Mais quand tu vois que tout ce qui te permet de pouvoir te déplacer, rien que ton véhicule te coûte un bras. Le véhicule pour pouvoir aller au boulot te coûte un bras. Alors, tu gagnes le SMIG à 1210 euros, et les gens ne comprennent pas que tu n'aies qu'une envie, c'est de descendre dans la rue. Mais moi, je suis désolé, on est bien obligé de descendre dans la rue. Tu ne peux pas demander à tous les Français de produire davantage, donc de créer de la richesse et de ne rien leur rendre. Quand tu vois qu'aujourd'hui, tu travailles dans le temps, tu travailles 20 jours pour l'actionnariat et on n'en parlait plus. Aujourd'hui, on en est à 45 jours et de manière croissante. C'est-à-dire que dans 5 ou 10 ans, on en sera à 50, 60, 90 jours. Ça fera un peu comme quand on vide la terre de son... ses richesses. De ses richesses. Dans le temps, on était encore assez sérieux. Il y avait la taille, il y avait... On est bien d'accord. Aujourd'hui, par contre, tu sais qu'à partir du mois de juillet, ça y est, les ressources naturelles ont été épuisées, tu tapes dans un stock auquel tu ne devrais jamais toucher. Bien sûr. Eh bien, on fait pareil avec nos revenus, c'est-à-dire que eux bloquent tout en dehors de la hausse des prix. Mais ils bloquent tout. Tout ce qui pourrait te permettre d'améliorer ton niveau de vie est bloqué. Par contre, les prix, on les laisse courir, puisque de toute façon, on est dans la mondialisation. On t'explique toujours, c'est la mondialisation, on n'y peut rien. Mais si on peut quelque chose, moi, tu es sur mon territoire, tu viens me voir en me soumettant quelque chose qui ne m'apparaît pas dans l'intérêt commun, C'est non. Merkel, elle aura beau dire ce qu'elle veut, Pierre-Paul, ils auront beau dire ce qu'ils veulent. On s'en moque, on leur fait bien comprendre que de toute façon, ça y est, ils ont mangé leur pain blanc, il est peut-être le temps, maintenant, à nous, d'inverser le processus. Il faut inverser le processus. On conduit cette planète droit dans le mur. On la conduit droit dans le mur. Production, production, production, on produit, on détruit, sans même avoir vendu, parce qu'on produit, on prend... Et on répartit de plus en plus mal les richesses. Hein. Les inégalités sont gigantesques aujourd'hui. 10% de la population pour plus de 70% du gâteau. Et puis les 90% qui restent, ils n'ont qu'à vivre avec les miettes. Et c'est ce qui se passe. On est dans un monde aujourd'hui où on pourrait permettre à l'ensemble des gens vivant sur cette planète de vivre décemment. Mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. On pense individualisme, on t'élève de manière individualiste. C'est toi et personne d'autre. T'es le numéro un, c'est comme Macron avec son premier de cordée. Mais ce que Macron a oublié de dire à tous les Français quand il leur a parlé du premier de cordée, c'est que quand le premier était arrivé en haut, lui coupait la corde pour pas qu'il y en ait un deuxième. C'est une belle image. Oui, mais c'est ça. C'est Macron et son premier de cordée. C'est toujours le numéro un, le numéro un, le numéro un. Je suis désolé, mais en France, il n'y aura pas 70 millions de numéro un. Il y en aura peut-être un. Peut-être que chacun dans son groupe, il y en aura une centaine, mais pas plus. Il faudra bien accepter le fait qu'on ne peut pas être tous des numéro un. Donc, il faut accepter la vie telle qu'elle est. Nous ne sommes pas tous les numéro un, nous ne le serons jamais. Et puis, nous n'avons pas forcément envie de le devenir. Ah non, puis c'est une société qui est trop élitiste. Comme la nôtre. Hein, l'élitisme qui est basé sur l'argent, finalement, on peut se dire que cette société-là, elle tourne dans le mauvais sens. Et bien sûr. On t'accorde une pause musicale ? Oui. Je crois que c'est le chiffon rouge. Ah, bien sûr, c'est vraiment d'actualité. On l'entend d'ailleurs sur les cortèges. Ah bah oui. J'ai pu en enregistrer des petits bouts de temps en temps. C'est normal. Voilà, ben, on a entendu Michel Fugain, le chiffon rouge. Hein. C'est une chanson, j'allais dire, révolutionnaire, moderne. Hein. On en a beaucoup dans le folklore français, j'allais dire, dans le folklore ouvrier. Mais il n'empêche quand même que Michel Fugain a écrit cette chanson-là. C'était après 1968, bien sûr. Et puis qu'elle est toujours, toujours d'actualité, qu'elle est toujours chantée dans les cortèges. Voilà. On va peut-être parler maintenant une fois ces considérations par rapport à la situation actuelle faite. On peut peut-être parler un petit peu de toute cette aventure des Gilets jaunes, de toute cette saga depuis plus d'un an maintenant. Hein. Alors ça a débuté, ne l'oublions pas, sur les ronds-points. Oui, le c'était vraiment un endroit privilégié pour faire passer de l'information, pour démontrer la colère d'une grande partie de la population qui était délaissée pour compte hein, par rapport à toutes les mesures qui étaient prises et qui étaient souvent régressives. Hein. Je rappellerai quand même pour mémoire quand même les lois travail, en particulier la loi travail 2, hein, qui instituait quand même un recul social assez important par rapport aux droits des salariés. Il avait été précédé d'ailleurs... c'était presque concomitant par le fait qu'on avait donné des instructions. Il y avait une restructuration des conseils de prud'homme qui faisait aussi que les droits des travailleurs étaient moindres qu'avant. On pourrait multiplier les exemples comme ça. Hein, voilà quoi. Et puis bon, ça s'est accentué depuis cette période-là. Alors. Comment ça se passait au début ? Ben nous, au début, c'est simple. On est sorti le 17 novembre, pour un certain nombre d'entre nous un petit peu avant, parce qu'on n'était plus d'accord avec ce qui se passe. On ne l'est toujours pas, d'ailleurs. 17 novembre 2018. 2018, oui. Voilà. Et puis, ben, au début, c'était la fête. Je dois avouer que c'était une fête incroyable. Mais on s'est vite aperçu que la fête allait tourner court. Nos premiers discours ont été simplement de faire comprendre aux gens à qui on s'adressait que, attention, le combat va être très long. Parce que derrière chaque combat, derrière notre combat en tout cas, il y a énormément de répression. Il faut bien le comprendre. On a bloqué tous les ronds-points dans les Vosges. On a tenté de bloquer un maximum de choses. Pourquoi ? Pour faire savoir à tous nos voisins, à tous les gens qui nous entourent, qu'on était là, on était prêts à se battre. Mais pour se battre, il faut être appuyé. Parce qu'en face, je peux te dire qu'en face, il y a du monde. Notre préfet, M. Horry d'Épinal, lui, fait très bien son travail. On va prendre nos ronds-points, ont tous disparu. Ils n'ont pas disparu par plaisir ou parce qu'on avait envie de les faire disparaître. Il y a eu des lois votées. Il y a eu des lois votées pour les faire disparaître. Par la majorité des députés. On est bien d'accord. La majorité des députés n'ont plus de voix. Des députés qui faisaient semblant de revêtir, revêtir un gilet jaune pour aller à votre rencontre et puis qu'en même temps, voter des lois extrêmement répressives vis-à-vis des gilets jaunes. On est bien d'accord. Quand tu vois, nous, on avait à Saint-Étienne, tout près de chez toi, on avait à Saint-Étienne un petit rond-point qui tenait bien, quelque chose de très agréable. Eh bien, le préfet... Avec une cabane. Avec une cabane, parce que le propriétaire, l'agriculteur qui détenait ce terrain, nous avait autorisé à venir nous installer sur son terrain. Très gentil, quelqu'un de très bien. La préfecture lui a envoyé un petit courrier, lui faisant savoir que s'il ne démontait pas ou ne faisait pas démonter cette cabane sous 15 jours, c'est lui qui serait poursuivi. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Mais alors, comment expliquer que les cabanes à Saint-Étienne ont flambé à plusieurs reprises, trois fois, oui. Hein, et puis que Cavagnier également, oui. au rond-point de Vanier, oui, on peut dire le rond-point de Vanier. Oui, nous, on a notre façon de voir les choses. C'est-à-dire que, pour un certain nombre d'entre nous, ce n'est pas uniquement des gens qui sont contre les Gilets jaunes. On pense qu'il y a d'autres... on pense que ce n'est pas... Comment ? La préfecture ne serait pas totalement innocente dans ce genre de procès pour un certain nombre de destructions, pas pour toutes, qu'on se comprenne bien. Mais je suis certain qu'il y a eu des camps qui ont été brûlés. Ils n'ont pas été brûlés par simplement des gens qui n'appréciaient pas les gilets jaunes. Parce que quand tu vois rien qu'à Saint-Étienne, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de gens qui ne nous apprécient pas. Oui. 80% des gens qui passent nous klaxonnent, nous saluent quand on est au rond-point. Il y en a toujours un ou deux qui disent « ouais, feignant ou... ». Alors que j'essayais d'interviewer des personnes, j'ai eu mon véhicule qui était tagué au syndicat. Donc tu vois, c'est pas sérieux non plus. Mais c'est pour ça, la répression, aujourd'hui, elle est forte. Moi, c'est ma façon à moi de penser. Je pense que... Par rapport aux lois qui ont été votées, qu'est-ce qui a changé, alors ? Ben, tout a changé. Regarde, aujourd'hui, un rassemblement... Voté par la majorité. Hein. D'accord. Aujourd'hui, un rassemblement de plus de trois personnes... Y compris le Front National, d'ailleurs. Tout à fait. Un rassemblement de plus de trois personnes est interdit. Un rassemblement de plus de trois personnes, quoi. Et on appelle ça la démocratie ? Mais bon sang de bonsoir, faut arrêter, faut ouvrir les yeux. On n'est plus en démocratie, il n'y a pas de démocratie. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit déclaré. Voilà. Alors qu'on peut très bien discuter, c'est vrai, sur un rond-point, se retrouver entre amis et puis discuter, quoi. Parce que demain, si les forces de l'ordre ont envie de te verbaliser parce que vous êtes 4-5, vous vous rencontrez, toi tu sors du boulot, ton collègue du sien et ainsi de suite, vous vous retrouvez à 5-6 personnes, si les policiers veulent vous verbaliser, ils auront le droit de le faire. Parce que vous serez plus de 3 personnes. Donc ça veut dire que déjà, on interdit l'échange entre citoyens. Ça ressemble au couvre-feu en temps de guerre, quoi. C'est un peu ça, de manière beaucoup plus... C'est une manière très, très douce de faire passer les choses. Mais on en est là. Vous avez eu l'occasion de discuter avec les représentants du peuple, c'est-à-dire les députés qui ont été élus. On a vu tous les députés, tous les sénateurs des Vosges, on a même vu le préfet. Et alors ? Eh bien, quand tu es là, on ne te passe pas de pommade. Mais tu as toujours droit à la belle formule. Mais une fois que tu es sorti de là, ils se disent, c'est un con, on n'en a rien à foutre. Voilà. Oui, d'accord. Bah, c'est ça, c'est exactement ça. Ils ne te le disent pas comme ça, mais ils le font bien comprendre. On voit très bien qu'on les dérange. Ils ont peur qu'on remette en question tous leurs acquis. Nous, un an de combat, ça fait un an qu'on est dehors tous les samedis. Un an. Les gens nous disent, oui, mais vous êtes dehors que le samedi. Pourquoi ? Bah, parce que le reste de la semaine, on travaille. Ah oui. On va pas envoyer que nos retraités en manif le mardi ou le mercredi. Les gens sont au boulot, il faut bien gagner sa vie, il faut bien remplir son frigo. Je suis désolé, mais on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Donc, pourquoi les Gilets jaunes ne font les manifs que le samedi ? Parce que le samedi, on travaille. On nous explique que nous, Gilets jaunes, avons détruit le petit commerce sur Épinal, par exemple. Non, mais on plaisante. Si tu voulais pas que le petit commerce soit détruit, t'avais qu'à interdire Carrefour, Leclerc et ainsi de suite. Ou bien au syndicat ou des commerçants, on va pas citer leur nom, on traitait les Gilets jaunes de cassos et de Soulon. Et puis on téléphone à la préfecture pour faire dégager le rond-point. On est bien d'accord. Ça existe. Oui, ça existe. Nous, on a fait le tri aussi. C'est-à-dire qu'on avait quand même dans nos rangs certaines personnes Vous aviez des artisans, des commerçants, quand même. Bah on en a toujours. Mais on avait aussi des gens, ce que moi j'appellerais des indésirables. Des gens qui ne sont pas là dans le cadre intégral du combat, qui sont plutôt là pour foutre le bordel que réellement combattre. Nous, ce que l'on veut, ce n'est pas de la destruction. Moi, je ne vois pas l'intérêt de détruire quelque chose que tu vas devoir payer après. Bah oui, je trouve ça ridicule. Oui. Tu détruis, tu payes pour que ça soit reconstruit. Donc c'est ridicule, c'est lamentable. Mais on avait quand même une petite minorité, mais toute petite minorité. Et dans chaque rond-point, on avait fait un peu le ménage. Pour éviter cela. Mais j'avoue que, sorti de là, on entend qu'on est des cassos, des illettrés, des alcooliques, mais moi, ça ne me dérange pas. On peut dire ce qu'on veut, je me sens pas touché, donc tu peux le crier tant que tu veux, à partir du moment où tu ne m'atteins pas. On a même des menaces directes sur nos familles. Il faut bien vous dire qu'aujourd'hui, les Gilets jaunes, un certain nombre d'entre nous, ont reçu des menaces directes ou indirectes, des gens qui te font bien comprendre que, attention, t'es pas tout seul, t'as une femme, t'as des enfants. C'est caractérisé par quoi ? Des appels téléphoniques ? Oui, des appels téléphoniques, des petits messages comme ça qu'on nous envoie, on sait où tu habites, tu vois le genre. Moi, j'en ai reçu depuis le mois de... Bon, ça a commencé en février-mars, j'en ai reçu un camion de ce genre de menaces. Bon, j'y prête pas attention parce que pour moi... C'est pas le chien qui aboie le plus fort qui mord, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Je préfère me méfier de quelqu'un qui ne dit rien, mais qui a bien l'intention de m'en mettre une, que de me méfier de ces gens qui crient. Mais j'avoue qu'on reçoit quand même des menaces qui vont très loin. On nous dit toujours qu'il faut porter plainte. Mais de toute façon, la personne qui te menace, c'est qui ? De toute façon, 90% des plaintes sont classées sans suite par le procureur. On est bien d'accord. Donc ça sert à quoi d'aller perdre son temps ? À peu près un procureur, je ne sais pas, dans les Vosges, on m'a dit que c'était un peu... C'est à peu près 3 000 plaintes par trimestre, donc la grande majorité, 90-95% des plaintes sont passées sans suite. Bah bien sûr, mais c'est normal. Après, il faut saisir le tribunal, il faut prendre un avocat, il faut cautionner, donc ce n'est pas évident. De toute façon, ils ne peuvent pas dire qu'il n'y a pas répression. Moi, je suis convoqué au tribunal le 13 mars. Donc tu vois, mais je ne suis pas spécialement inquiet. Je ne vois pas ce qu'on peut me reprocher. Je n'ai rien cassé, rien détruit, j'ai tué personne. Bon, je suis gilet jaune. Mais oui. le gros problème de cette loi anti-casseur, hein, il faut faire le rapprochement avec des mesures qui avaient été prises après 1968 en particulier, on s'aperçoit quand même que les responsables, hein, même s'ils n'ont pas participé, ils peuvent être incriminés. Tout à fait. Alors c'est véritablement une atteinte à la démocratie profonde, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rien dire, quoi. Voilà. Hein, on peut toujours être responsable de casses qui n'ont rien à voir avec, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes. On est bien d'accord. Il suffit que ça se déroule pendant une manifestation des Gilets jaunes. Voilà, ce que l'on fait, généralement, quand on manifeste, on obéit à un appel national. C'est pas bien nous sûr. Qui lançons l'appel. On obéit toujours à un appel national. Il y a un appel toutes les semaines. Alors, on le fait une fois dans nos secteurs, une fois dans les secteurs voisins, ce qui est normal. Et une fois par mois, on le fait à Paris. Mais j'avoue que moi, je ne vois pas ce qu'on peut me reprocher, à part le fait d'être allé manifester. Mais ça, oui, je vais manifester. Mais je le crie haut et fort, et qu'ils comprennent bien que je continuerai à aller manifester. Répression et ou pas répression. Le droit à la manifestation est inscrit dans la Constitution, quand même. Bien sûr, mais eux, ils ne reconnaissent de droit à la manifestation que pour les partenaires sociaux. Les syndicats en particulier. Nous n'avons aucun droit, puisque nous ne représentons à leurs yeux rien. Ce qu'ils aimeraient, c'est qu'on soit comme les syndicats, qu'on ait quelqu'un en haut, qu'on ait un leader. Le problème, c'est que nous, Gilets jaunes, des leaders, on n'en veut pas. On sait ce qui se passe quand tu as un leader. On le voit partout. Oui, il risque toujours d'accaparer toute quelqu'un une quelqu'un va le récupérer. Du on, tu vois bien, on va prendre le syndicaliste là, de Hayange, en Moselle, qui est devenu après député européen. Tu vois ce que je veux dire? Le oui. Mec, il défend soi-disant ses collègues. Édouard Martin. On est bien d'accord, je n'osais pas le nommer. On est bien d'accord, le mec est censé défendre ses collègues parce que ce qu'ils font sur ce site-là est horrible. Alors il les défend. Une fois qu'il a bien lancé le truc, on vient lui taper sur l'épaule. Écoute, si tu te tais, on va t'offrir un poste. Pourquoi on ne veut pas de leader? On en a eu quelques-uns qui voulaient lancer les lalanes et compagnie. Il y a peut-être des gens sincères qui ont pensé qu'en s'engageant en politique, il allait pouvoir faire changer les choses. Ben c'est ce que nous avons fait. Je crois que c'était une illusion. À part des grands mouvements politiques comme celui de 1981, je crois que dans l'histoire, la plupart du temps, ça n'a rien changé. Quoi. Il y a eu une intégration. Hein, mais c'est vrai aussi qu'il y a quand même, au niveau européen, quand même, il y a des députés européens qui gardent quand même une bonne ligne. Mais bien sûr, ils ne sont pas tous mauvais. Tu ne peux pas dire qu'il y a 100% rien que nos députés sur le plan national. Tu ne peux pas dire que 100% de nos députés sont mauvais. Mais comme tu sais que ceux qui prennent la décision, de toute façon, ce sont les députés de la majorité, tu auras beau être dans l'opposition et avoir une idée qui soit tout à fait acceptable et honnête, elle ne passera jamais. Nous, ce qu'on reproche à tous ces dirigeants, c'est une simple chose. Quand l'idée est bonne, tu l'appliques, quelle que soit la personne qui t'a proposé l'idée. On se moque de savoir qui propose l'idée. Ce que l'on veut, c'est que quand les idées sont bonnes, elles soient appliquées. Qu'avant de prendre des décisions aussi importantes qu'ADP, Aéroport de Paris, la vente d'ADP, la vente de la Française des Jeux, la vente d'Alstom, avec la promesse que ça créerait de l'emploi, puis en fin de compte, ça licencie à tour de bras. Et bien, avant de faire ce genre de choses qui sont comme des joyaux de la couronne, tu fais... Comme tout le monde, tu passes par les urnes. D'ailleurs, ce qu'on parle peu, c'est que chez Alstom, on fait des recherches en particulier sur l'hydrogène, la pile combustible, oui. Etc. Qu'on a une longueur d'avance et malheureusement, aujourd'hui, on a l'impression que tous ces travaux-là sont un petit peu freinés. Hein. J'avais discuté longuement avec un ingénieur de chez Alstom. Hein, parce que il faut pas croire que l'électricité est produite par nos centrales atomiques... Va continuer. Hein. On est, j'ai vu un débat sur, je crois que c'était la 5, hein, mais la 5, on sait très bien que la 5 est quand même beaucoup plus favorable au pouvoir en place. Oui. Et où on mettait des personnes, là, il y avait bien sûr deux qui étaient favorables plutôt au nucléaire, hein, globalement, qui nous disaient qu'il ne faut pas s'affoler par rapport à l'avenir de la Terre, enfin l'avenir de l'humanité, parce que la Terre n'a pas besoin d'humanité pour continuer à tourner, hein, j'allais dire. Je suis resté sur un malaise, hein, parce qu'on avait l'impression aussi qu'on faisait un petit peu... Il y avait des personnes, majoritairement, qui faisaient presque l'apologie du nucléaire pour l'électricité. Et bien sûr. Hein, parce que si tout le monde prend une bagnole électrique, tu me diras, je crois que... Moi, d'abord... Sur le fait de la suppression du nucléaire, je dis oui, à 200%. Mais attention, il faut quand même trouver le moyen de produire l'énergie manquante avant de fermer ces centrales. Aujourd'hui, on a quand même être un peu plus sobre en énergie aussi. Déjà être un peu plus sobre, on est bien d'accord. Mais quand tu vois qu'aujourd'hui, ça fait 30 ans qu'on nous soulève le problème du nucléaire, parce que c'est quand même vrai que ça fait 30 ans qu'on en parle, mais on n'a fait aucun investissement pour faire la bascule. On n'a fait aucun investissement nécessaire et suffisant. Si on avait fait il y a 30 ans les investissements... C'est-à-dire, il y en a, mais c'est vrai que dans la recherche, dans la mise en place du programme nucléaire, dans la recherche, on a stérilisé, bien sûr, des fonds qui auraient pu servir à faire progresser les énergies alternatives. On est bien d'accord. Parce qu'on voit les énergies alternatives, ça repose sur les individus. Hein, et puis très peu sur l'État, à part pour des diminutions d'impôts. Par contre, les collectivités territoriales, on en voit peu prendre des initiatives, alors que c'est le cas dans d'autres pays. Hein. Bien sûr, mais il y a des pays qui font ce qu'il faut, mais nous, la France, jamais. C'est simple, on a... On a privilégié pendant des décennies le lobby nucléaire, de toute façon. Il fallait lui permettre de prendre son essor. Et aujourd'hui, il a tellement bien pris son essor qu'il a fait main basse sur tout ce qui est énergie pure et que sans lui, aujourd'hui, s'il venait à fermer toutes ses centrales, ce lobby-là, tu serais bien ennuyé. Donc aujourd'hui, ils ont la main mise sur un système que tu ne peux pas arrêter comme ça. Il faudrait investir en conséquence. On ne peut pas arrêter une centrale nucléaire comme ça. On est bien d'accord. C'est impossible. Il y a quand même une période de transition obligatoire. Alors moi, je suis contre le nucléaire, oui, mais il faut être raisonné quand on demande sa suppression. Avant de le supprimer, fait en sorte que le parc éolien ou autre qui pourrait remplacer ces centrales soit déjà mis en place, soit déjà fonctionnel et te permette de compenser la perte d'énergie du point A par le point B. C'est pour ça, je ne veux pas aller trop vite. J'aimerais pas qu'on prenne des décisions trop hâtives. Quand elle n'est pas réfléchie, la décision est mauvaise. Mais il faut aussi rester simple, parce que plus c'est simple, mieux ça marche. C'est pour ça. Étant donné le vieillissement des centrales, on n'est jamais à l'abri. L'échec de l'EPR aussi, on n'est jamais à l'abri d'une catastrophe. Mais non. mais c'est pour tout, hein, je veux dire, c'est pour tout. Tu regardes aujourd'hui. On n'est pas très loin de Fessenheim, d'ailleurs. On est tout près. Ben, il paraît que Fessenheim est la centrale la moins dangereuse de France, puisque toutes les nouvelles méthodes et tout ça, de protection et de testées à Fessenheim. J'ai eu quelqu'un qui était proche de ma famille, qui a travaillé en sous-traitant sur Fessenheim. Et bien souvent, le dosimètre était à bloc. Hein. Bah, tu m'étonnes. Bah, bien sûr. Pour intervenir dans la centrale, et pas au cœur de la centrale. Mais bon, tu vois, nous, rien que nous, Gilets jaunes, rien que le point, les écologistes. Pourquoi on n'appuie pas, on est pour l'écologie, mais on n'appuie pas les groupes écologistes, quels qu'ils soient. Tu vas prendre Rouen, catastrophe incroyable, puisque de toute façon, ça a cramé, on a cramé je ne sais pas combien de produits, les émanations étaient toxiques au plus haut point. Est-ce que tu as entendu pendant cette période-là un écolo ? Ah oui, si quand même. Lesquels ? Si quand même. Lesquels ? Je fais partie moi-même d'une association écologique et peux te dire que c'est... Et d'ailleurs, les seuls qui restent pour interdire la reprise de cette entreprise... Hein, c'est bien deux associations locales et écologiques qui sont contre. Je ne parle pas du local, je parle du national. C'est-à-dire que moi, ceux que je juge, c'est les Jadot et compagnie. C'est eux que je juge. Ce n'est pas leurs militants. Leurs militants sont des gens tout à fait sérieux. Il a pris position quand même. Hein. Mais évidemment, les médias n'ont pas forcément, ne répercutent pas forcément la parole des écologistes. Ben, on va peut-être parler, puisqu'on parle des Gilets jaunes, ben, la chanson des Gilets jaunes. Un gilet jaune, un gilet jaune. Macron démission, Macron démission, Macron démission, Macron démission. J'ai dit Macron démission, Macron démission, Macron démission, Macron démission. Gilet jaune, un gilet jaune, demain les gilets jaunes. Faut danser petit, gilet jaune, un gilet jaune. J'ai voulu mettre l'essence, c'est trop cher. J'ai payé les taxes, c'est trop cher. J'ai voulu mettre l'essence, c'est trop cher. J'ai payé les taxes, c'est trop cher. Faut cotiser par-ci, c'est trop cher. Faut cotiser par-là, c'est trop cher. Faut cotiser par-ci, c'est trop cher. Faut cotiser par-là. Y'en a marre. Ah, le bon. J'vais manifester, donc j'mets mon gilet jaune. Pas gilet jaune, c'est mal les gilets jaunes. Faut danser petit. Français en colère, c'est pas bon. Ils bloquent les prairies, c'est pas bon. Les Français en colère, c'est pas bon. Ils bloquent les prairies, c'est pas bon. À cause de la manif, c'est pas bon. C'est plus Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. C'est Manuel Décon. C'est Manuel Décon. Petit manifeste pour 10 centimes de gasoil en piscine. Petit manifeste pour 10 centimes de gasoil en piscine. Petit manifeste pour 10 centimes de gasoil en piscine. Petit manifeste pour 10 centimes de gasoil en piscine. Y'en a marre. Y'en a marre, y'en a marre, j'vais manifester, donc j'mets mon gilet jaune. Moi gilet jaune, t'es mal les gilets jaunes. Faut danser petit, gilet jaune. Moi gilet jaune, t'es mal les gilets jaunes. Faut danser petit. Zombie musique, Kwame, Brights, Patrick. Kofi Johnson, DJ Life Road, LH, Hamza HLC. Voilà, on reprend l'antenne. Hein. Cette chanson-là, je crois, a été enregistrée. Alors, je ne sais plus à quelle occasion. Tu sais peut-être. Bon, c'était tout début d'année 2019. C'était suite au mouvement, quoi. 2018, tu veux dire. Non, tout début 2019 que cette chanson a commencé à courir. Ah oui, 2019. Voilà, 2019. Oui, d'accord. C'était suite à plusieurs de nos manifs sur Paris et tout ça. Et puis, ben voilà, et puis il y a cette artiste qui a gilet jaune et qui en a fait un tube, quoi. Mais franchement, elle est aussi sur toutes nos manifs. Et puis, elle n'est pas la seule. Bien sûr. Elle n'est pas la seule. Bien sûr. Tu sais, les manifs, on en fait beaucoup. Regarde, Paris, on y va une fois par mois. Je peux te dire qu'à Paris, c'est méchant. C'est-à-dire que... Tu peux manifester encore en Lorraine. Tu n'as vraiment d'affrontement avec les forces de l'ordre en Lorraine que si tu cherches à aller vraiment au contact. Au début, non. Au début, c'était matraquage, matraquage, matraquage. Aujourd'hui, si tu respectes, admettons, tu fixes un parcours, itinéraire. Tu respectes, tu risques pas grand-chose. À Paris, par contre, tu respectes ou pas le... Sauf à Épinal pour la manifestation du 5 décembre. Quoi. On est bien d'accord. Mais là, c'était différent. On avait, d'après ce que j'ai compris, certains auraient été peut-être auraient jeté quelques cailloux sur les forces de l'ordre. Je sais pas, j'étais pas tout près. Mais moi, pour moi, je sais que j'étais aux premières loges. J'ai rien vu de tel. T'as rien vu de tel. Moi, j'étais loin. J'ai rien vu de tel. Maintenant, quand je suis arrivé, maintenant, une fois qu'on est gazé, on voit plus rien parce que pour une raison, on pleure et puis. Voilà. Moi, puis on ferme les yeux. Là où c'est vraiment répression pour de la répression et de puis la même, répression. Même les individus qui ont pu aller dans la rue des Minimes, puisque c'était au coin de la rue des Minimes, ceux qui ont pu s'écarter à la manifestation à la rue des Minimes, ça aurait été facile de les arrêter. On est bien d'accord. Tandis que là, les policiers se sont planqués, puis ils ont gazé tout le monde. Ils ont tiré dans le tas. Mais voilà, le pire, c'est Paris. Ouais, parce que Paris, il n'y a pas de demi-mesure. Tu sais que la volante, ce qu'on appelle la volante, c'est-à-dire deux motards sur une moto, matraque en main, c'est interdit en France. C'est interdit. La loi l'a interdit. Et pourtant, tu vas à Paris, la volante, il y a toujours 50, 60 motos avec deux dessus, un à une matraque, un au guidon. Et puis, s'ils passent à côté de toi avec tes gilets jaunes, tu as le droit. Hein. Bah, ils peuvent t'en coller un, mais c'est que ça, c'est répression, répression. Ce sont des professionnels aveugles, complètement aveugles. Tu prends même sur des... Place d'Italie, on t'explique qu'à la dernière manif, Place d'Italie, ça avait bougé. Ben, forcément que ça a bougé, mais les bleus ne sont pas idiots. Ils te permettent d'entrer dans la place. Mmh. Puis après, mais ils ne te permettent pas d'en sortir. Oui. Alors le préfet, il pourra dire, l'allemand, il peut dire ce qu'il veut. Comme quoi, il ne t'empêche d'en sortir. Il ne t'autorise pas à en sortir. Puis une fois qu'ils t'ont bien regroupé tous ensemble, eh ben, ils gazent à n'en plus finir. Ils ne s'occupent pas de ça. Voir, ils tirent au flashball. Des balles caoutchouc, etc. Quand tu vois, ils éborgnent des personnes. Le nombre de personnes est borné. D'ailleurs, j'ai fait des éditos sur le sujet ici, hein, puisque de toute façon, Libération... On peut dire ce qu'on veut du journal Libération, mais au moins, il relate les faits et puis des témoignages, y compris d'ophtalmos, etc., avec des problèmes de balles qui ont été tirées, de grenades. Des encerclements. En réalité, c'est pratiquement des grenades offensives. Bah bien sûr, mais de toute façon, c'est... On croirait que... D'ailleurs la France a été citée à l'ONU par rapport à cette répression policière aveugle avec des gens estropiés. Là, de toute façon, le tribunal international a engagé les poursuites contre l'État français, justement à cause de la répression lors des manifestations de gilets jaunes. On a eu, nous, l'information il y a à peu près un mois et demi, deux mois. Le tribunal international, lui, va poursuivre, puisqu'on a quand même aujourd'hui des avocats prêts à nous défendre. Et je les comprends, puisque de toute façon, avec l'équipe à Macron... Enfin, la plainte a été déposée devant l'ONU, pas encore devant la Cour européenne de justice, hein, je crois. Devant la Cour européenne, il me semble que c'est fait. Mais alors, ça va durer des années. Ah bah oui, bien sûr, on se doute bien, mais c'est comme tout. On t'expliquera qu'en réalité, les violents, ce sont les bleus et pas les gilets jaunes, dans 20 ou 25 ans. Ah oui, bien sûr. Tu vois, je veux dire... Comme s'il se passait en mai 68. Voilà, en mai 68. Ah, ça comptait qu'il y a des provocateurs qui arrivent là dans de ces où, peut-être justement, qui viennent de police, de milices parallèles, et puis voilà, quoi, pour faire dégénérer les manifestations. En mai 68, tous les grévistes étaient des terroristes, des pseudo, je sais pas quoi. Oui, et puis 25 ans après, on t'explique que de toute façon, sans eux, le système tel qu'il est là aujourd'hui n'existerait peut-être plus. Donc tu vois que ces gens-là ont simplement défendu des intérêts qui sont des intérêts communs. Oui, il y avait quand même une grogne des étudiants. Hein. C'est normal, clair, les étudiants, on les prend pour des cons. Et puis surtout... Les étudiants, notre gouvernement, nous gouvernants, on les prend pour des cons. Nous, Gilets jaunes, on se bat pour tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas une catégorie de personnes plus que d'autres. Nous, on va partout, aussi bien à Paris qu'ailleurs, et on va à Paris une fois par mois, pour nous, les Vosgiens. Et je peux te dire que là, oui, là, c'est dur. D'aller à Paris... il faut être bien fait. Ah ben voilà, Christopher, à qui on fait un petit coucou, donc nous dit que notre temps est parti, et ça y est. Non, on a encore 2 minutes 30. 2 minutes 30. 2 minutes 30, voilà. Ben on va souhaiter bien sûr un bon Noël malgré tout à tous ceux, saluer tous ceux qui sont dans la lutte aujourd'hui, hein, bien sûr, hein, aussi bien les cheminots, la RATP, que beaucoup de salariés aussi qui sont dans la lutte aujourd'hui pour ce Noël, et puis leur souhaiter quand même de passer des fêtes de Noël, malgré le climat actuel, le meilleur Noël possible. Et moi, ce que je souhaite à tous les travailleurs et tous les Français en général, pas de trêve des confiseurs. On maintient la pression sur Manu pour qu'il retire son projet de loi, puisque si on arrive à faire tomber celui-là, on arrivera peut-être aussi à modifier tous les autres. Donc il faut continuer le combat, ne pas se poser de questions. C'est vrai que ça coûte cher pour ceux qui manifestent, pour ceux qui sont en grève, mais il faut bien leur montrer notre soutien, notre appui. En tout cas, ils ont le mien à 100%. La guerre n'est pas finie, elle ne fait que commencer. Voilà, merci. Merci, Michel. Eh bien, quant à moi, je vous souhaite une très, très bonne fin de soirée à toutes et à tous, hein, bien sûr. On est à Noël, hein, et puis voilà. Puis on vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission de La Parole est à vous.